Vous bossiez avec les métallos. Tout à fait. Comme métallo plutôt. Alors j'étais 9 mois électricien, donc je suis très modeste dans ma carrière. Donc j'ai travaillé pendant 9 mois quand j'ai interrompu mes études. Mais il fallait se lever à 4h du matin et terminer à 8h du soir. Et donc j'ai vite repris quelques études pour aller à l'UNIF. Donc j'ai fait l'économie à l'UNIF de Montseno. Pourquoi vous avez changé comme ça? Quoi? C'est difficile, 4h, 5h du matin? Ah, c'est compliqué, donc je comprends vraiment la douleur de mes camarades qui se lèvent très tôt le matin, qui vont sur chantier, qui sont soumis à rude épreuve. Moi, j'ai tenu que 9 mois, hein, donc, et j'ai décidé de reprendre des études. Certains font ça pendant 40 ans, 45 ans, se retrouvent dans des situations difficiles, et ça m'a encore plus motivé pour pouvoir défendre les travailleurs et les travailleuses. Mais donc, cette expérience métallo, donc, chez les métallos, moi, j'étais engagé comme conseiller. Je travaillais avec Nico Cué, qui était le secrétaire général des métallos, et donc j'ai négocié dans la sidérurgie, notamment. J'ai fait mes armes chez les métallos, ce qui, pour moi, est vraiment une richesse, et comme on dit, métallo un jour, métallo toujours, parce que les valeurs sont très très fortes, très très, très ancrées dans la nécessité de changer de société, radicalement de société. Et donc en venant à la FGTB, avec d'autres centrales, avec d'autres tendances, avec d'autres secteurs, des publics différents, les mêmes valeurs anticapitalistes, mais beaucoup de nuances à apporter. Voilà, on a estimé que je pouvais apporter ce côté d'abord métallo, puis maintenant interprofessionnel, mais qui soit véritablement ancré dans la volonté de changer les choses. Voilà, 7 ans comme secrétaire fédéral, la volonté de pouvoir continuer à faire le boulot, mais toujours en lien avec la base. Moi, c'est ça, ma vision de la FGTB, puisque vous me parlez de la FGTB. Qu'est-ce que c'est que la FGTB? La FGTB, ben, c'est le syndicat, pour moi, qui représente le mieux cette volonté de changement de société. C'est-à-dire que dans notre déclaration de principe, il est clairement stipulé que nous voulons aboutir à un changement de société. Nous ne voulons pas accompagner les réformes progressives. Non, nous voulons un changement, une rupture avec ce système capitaliste qui nuit aux travailleurs. Et pour moi, la FGTB représentait le mieux le contre-pouvoir qui permet d'aboutir à ce changement. Très compliqué, il y a énormément de gens à convaincre, d'où le fait que nos actions ne correspondent pas forcément aux attentes d'une partie de nos militants. Mais notre volonté, c'est de pouvoir amener progressivement les conditions pour ce changement. La FGTB, c'est 1 500 000 affiliés, comme je l'ai dit, de toutes centrales confondues, donc des employés, des cadres, des ouvriers, de plus en plus de femmes parmi nos militants. Il y a vraiment ce chiffre-là? C'est une réalité ou bien c'est une fiction, ça? Non, c'est une réalité, effectivement. On a passé le cap des 1 500 000 affiliés il y a 3 ou 4 ans. Alors, clairement, on va dire les choses. Pourquoi la CGT en France est à quelques dizaines de milliers d'adhérents? Pourquoi nous, on a 1 500 000? Ce qui explique ça, c'est effectivement qu'on soit organisme de paiement du chômage. Et donc, c'est dans la négociation qu'on a eue en Belgique pour s'assurer que les syndicats qui étaient les mieux placés, les plus au contact des travailleurs, doivent payer le chômage, qui fait que, quasi automatiquement, travailleurs, travailleuses qui rentrent dans leur carrière professionnelle, qui sont au chômage, qui veulent se protéger faire valoir leurs droits, passent par un syndicat. Et donc, par la force des choses, effectivement, le nombre d'affiliés est très élevé. Ça, c'est une réalité, effectivement, il faut le dire. C'est parce qu'il y a des gens au chômage, en fait. C'est ça que ça veut dire. Ce montant pareil, c'est parce que les gens sont affiliés automatiquement parce qu'ils sont au chômage. Parce qu'il y a... La Fédération Générale du Travail de la Belgique, FGTB, c'est vraiment la défense du travail. C'est aussi une des questions, hein, parler du travail. Qu'est-ce que c'est le travail aujourd'hui? Mais revenons au début. Donc, en fait, quelque part, monsieur Jean-François Tamellini, vous avez fait comme un stage de 9 mois en métallurgie, quoi, on peut dire ça comme ça. J'étais chez un électricien et je montais des portes industrielles dans des entreprises. Et donc moi, je faisais les boucles magnétiques qui permettent au Clark de faire lever la porte lorsqu'il passe sur cette boucle magnétique. Et donc j'étais là j'avais décidé pour des raisons personnelles d'arrêter mes études. à l'âge de 18 ans. Et donc voilà, j'ai essayé de travailler avec, chez un électricien que je connaissais à Oudin. Mais je dis très rapidement, j'ai voulu reprendre des études parce que voilà, parce que c'était, je le répète, très très difficile comme comme métier. Mais par ailleurs, parce que j'avais envie de pouvoir me réouvrir à des matières qui me plaisaient bien, à savoir l'économie. Et donc voilà, essayer des horizons différents. Du management, quoi, quelque part. Mais attendez, j'ai perdu mon fil. C'est ça aussi, hein, vous faites des réponses super longues. La question, c'était 9 mois, c'est pas beaucoup. Et du coup, vous vous lancez dans la politique. On peut appeler ça comme ça aussi, la UGTB, c'est moi qui n'y connais rien. Vous voyez, vraiment, hein, après, je me suis renseignée sur l'histoire, sur les combats menés, qu'est-ce que c'est que cette sécurité sociale, qu'est-ce que c'est tous ces... pas ces acquis, c'est conquis, on dit, hein, conquis sociaux. Et puis ici, quand on rentre à la FGTB, il y a une ancienne comme ça, je dirais pas en marbre, mais qui dit « Cette maison syndicale est dédiée à la mémoire de tous ceux qui, par leurs efforts tenaces, ont tracé la voie de l'émancipation de la classe ouvrière. » Mais la classe ouvrière, qui la représente aujourd'hui? On ne peut pas dire que c'est vous, Jean-François Tamellini, ou d'autres. Ou en tout cas, quand on rentre ici dans le bâtiment, voilà, il y a quelque chose aussi un peu de... Voilà, on parle sincèrement, et c'est aussi par rapport à toutes ces questions. On va y arriver petit à petit, hein, mais c'est pour vous faire l'ensemble de pourquoi j'avais aussi envie un peu de me confronter à vous, mais aussi la FGTB. Moi je suis pas affiliée, hein, pas du tout. Et alors y avait aussi cette histoire de gilets jaunes, que ça va faire un an, lundi prochain là, de me dire tiens, voilà, si vous pouviez. Donc la première, c'est donc vous vous lancez en politique et vous me parlez d'économie, management, quoi. Aujourd'hui dans les écoles on vous apprend le management, quoi. Ouais, moi je pars du constat que pour changer les choses, il faut d'abord comprendre comment ça fonctionne. Et donc évidemment, j'ai étudié l'économie à l'université. J'ai eu cette chance-là. Hein. Moi, mes parents, mon père commencé à travailler à l'âge de 14 ans parce que son père était mineur, était en train de mourir, et donc il fallait qu'il puisse travailler. Ma mère a fait des ménages toute sa vie, et donc je viens d'un milieu plus que modeste. Et donc mes frères et moi, on a eu la chance de pouvoir faire des études. C'est finalement le programme socialiste, des choses socialistes dans le bon sens du terme. Hein. C'est-à-dire, socialiste dans le bon sens du terme, à savoir le projet socialiste qui est une transformation de la société véritablement pour que les travailleurs et les travailleuses soient au centre de l'équation et pas le capital, les banques, le pognon. Ça, excuse-moi, mais je fais vite avec mon micro, mais je te laisse. Oui, mais ça a foiré là. Hein. Ça a foiré, évidemment. On a des expériences. Non, il y a des expériences positives. Hein. Pour l'instant, la Bolivie est en train de prendre cher. En tout cas, la population qui est la plus en danger. On peut parler du Venezuela, on peut parler de Cuba. Mais essayons de parler de la Belgique, parce que sinon on s'égare. Parce que déjà, c'est tellement compliqué. Je trouve qu'on fait tout pour nous faire oublier l'histoire avec un grand H. Alors essayons de rappeler l'histoire ici en Belgique, quoi. Voilà, donc je reviens là-dessus, c'est-à-dire que moi, ma vision des choses, c'est que pour pouvoir changer les choses, il faut les comprendre. Donc mon intérêt sur l'économie, ce n'est pas le management. Évidemment qu'on m'a expliqué les techniques de management. Évidemment qu'en sortant de l'université, qui est dite socialiste à mon Seno, qui ne l'est pas du tout, hein, je le dis clairement, on m'a expliqué les techniques pour pouvoir désosser une entreprise. Quel est le compartiment d'entreprise le plus rentable? C'est ça qu'on m'explique en gros. Mais la capacité, le sens critique que chacune doit avoir, c'est de se dire, on m'explique des choses, j'en fais bon usage ou pas. J'utilise ce qu'on m'a expliqué pour essayer de défendre une ligne et des valeurs. Est-ce que je fais de la politique? Je ne fais pas de la politique au sens politicien du terme. Moi, je ne suis pas dans un parti politique, je suis dans un syndicat, et j'estime que j'ai un mandat politique dans le sens que j'ai été élu dans ce syndicat. Moi, je ne suis pas élu à vie. Tous les 4 ans, je remets mon mandat en jeu. Tous les 4 ans, on me dit si je vais dans la bonne route, ou si je prends la bonne route ou pas. Et donc, je reçois un mandat politique, à savoir que je représente des travailleurs et des travailleuses. Vous me disiez, est-ce que c'est vous qui représentez la classe populaire? Pas moi, Tamellini, moi je représente que moi-même. Mais je suis élu dans le cadre d'un congrès, c'est-à-dire 1000 délégués qui nous élisent, pour dire, vous devez représenter ce que la base ressent, ce qui se vit sur le terrain. Et donc, vous, à la rue Haute, ici on est à la rue Haute, dans les instances où vous siégez, à la Sécurité sociale, dans tous les différents comités de gestion dans lesquels on siège, nous devons relayer ce que la base nous donne comme mandat. Donc c'est dans ce sens-là que nous faisons de la politique. Mais je répète, pas de la politique, on fait souvent un amalgame. Hein. La politique politicienne des partis, c'est pas du tout notre core business. Hein. Nous sommes un contre-pouvoir. Justement, moi j'aurais tendance à ne pas croire ce que vous venez de dire, parce que d'office vous êtes relié aux partis partisans, quoi. Enfin oui, aux partis, vous voyez, d'office vous faites de la politique, d'office vous combinez avec les patrons, avec le business, vous ne pouvez pas faire comme si ça n'existait pas. Moi, enfin voilà, j'avais envie de dire ça. Non, bah, c'est intéressant d'avoir ce point de vue-là, qui, c'est vrai, est souvent répandu, à savoir qu'il y a des collusions, il y a des arrangements entre syndicats, patrons, politiques, partis. Moi, je dis clairement, la FGTB est un contre-pouvoir. Certaines personnes qui sont FGTB, qui en même temps appartiennent à un parti, Parti Socialiste, le PTB aussi, Écolo, c'est les trois partis que je connais où il y a des membres de la FGTB qui sont dans ces partis-là. Souvent, on dit que la FGTB est cul et chemise avec le PS. Moi, vous pouvez chercher où vous voulez, je n'ai aucun lien avec le PS. Évidemment que nous avons besoin de relais dans les parlements, parce que c'est au niveau des parlements que les lois se font, s'écrivent et se changent. Nous, en tant que syndicat, on a un contre-pouvoir. Quel que soit le parti au gouvernement, nous devons rester un contre-pouvoir. C'est pas parce que le PS ou le PTB ou Écolo seraient aux manettes, certains l'ont déjà été, que nous devons dire « Ah, mais c'est bien, nous sommes servis », que du contraire. Moi, je vous rappelle que sous, pas le gouvernement précédent, mais celui d'avant, où le PS était présent, c'est un des gouvernements contre lequel on a fait le plus de grèves. Quand ils ont exclu les chômeurs, on est monté aux barricades, sans résultat, hein, et on en est dans une situation qui est gravissime. Hein, mais nous sommes un contre-pouvoir, nous contestons les mesures qui sont prises par des partis. Quand ils relayent nos positions, pas de problème, on applaudit, je suis le premier à applaudir. Quand ils sont contre nos positions, je suis le premier à monter aux barricades avec mes camarades. Et donc, dire qu'il y a des collusions, qu'on s'assied à une table avec des patrons, oui, c'est mon boulot, moi, de négocier. Mais si vous montez ici au sixième étage, vous avez regardé sur les murs, mais montez au sixième étage, il y a une stèle de François Janssen, qui était un de nos présidents. Qu'est-ce qu'il disait François Janssen? Et je suis convaincu de ça, moi, à titre personnel. Il disait « négocier quand c'est possible, se battre quand il le faut ». Et c'est ma vision du syndicalisme. Je me mets autour d'une table face à un patron pour négocier. Et donc j'ai besoin d'un vrai patron devant moi, pas un téléphone hein, qui va téléphoner à Londres, je ne sais pas où. J'ai besoin d'un vrai patron qui prenne ses responsabilités. Mais si, à un moment donné, la négociation se tourne en concession, uniquement des concessions, alors là, on a un problème. Et il faut installer un rapport de force pour se faire respecter. C'est là que le bât blesse. C'est là que les syndicats, en général, pour l'instant, n'arrivent plus à recréer ce rapport de force. Décembre 2014, on avait vraiment la main. On avait mis le gouvernement MR, NVA, FEB à genoux. Avec trois grèves provinciales, avec une grève nationale, avec 120 000 personnes dans les rues, décembre 2014, on nous donne mandat pour se remettre autour d'une table de négociation, et c'est là qu'on commet une erreur historique. À savoir qu'on aurait dû continuer le rapport de force. On aurait dû continuer encore plus loin pour dire « Non, non, nous avons des positions, si vous ne les entendez pas, eh bien on continue à mettre la pression. » Et ça, on ne l'a pas fait. C'est là, c'est ce qu'on peut nous reprocher. Mais de dire qu'on est cul et chemise avec d'autres, ça, c'est un procès que moi, je n'accepte pas. Parce que regardez les faits historiquement. Moi, je demande des éléments objectifs. Hein. Vérifiez. Les grèves, on les mène contre le PS, contre le MR, contre tous les partis qui vont contre la ligne de la FGTB. Moi, je dis toujours, mon seul angle, quand j'interviens sur les réseaux sociaux, quand j'interviens dans une interview, c'est l'angle FGTB. Qu'est-ce que mon congrès m'a donné comme résolution? Et sur base de ça, je vais voir, je fais le tour des partis, oui, je vais voir les patrons, mais sur base des résolutions qui ont été votées par mes affiliés, par mes militants. Et alors, après, on s'entend. Si c'est bon, ok, c'est de moins en moins bon, malheureusement. Si c'est mauvais, il faut y aller. Et là, on doit travailler. Vous me parlez des gilets jaunes, c'est ça le truc. On doit recréer des convergences, parce que le rapport de force uniquement syndical, malgré le fait que les deux gros syndicats, CSC et FGTB, c'est 3 200 000 affiliés. Malgré ça, nous sommes des organisations de masse, nous n'arrivons plus à convaincre les gens de la nécessité d'aller dans les rues et d'y aller vraiment pas avec le dos de la cuillère. Et donc on doit créer des convergences, les gilets jaunes, qui disent la même chose que nous finalement, hein, mais qui ne croient plus aux structures. Qui nous disent « Non, vous êtes trop loin de nos vraies réalités. » C'est justement la question, on a envie de se dire, mais comment ça se fait qu'il y a des gens qui ne croient plus en votre structure? Vous voyez, c'est ça aussi un peu à pointer, c'est de se dire, mais tiens, historiquement, parce que vous parliez, faut aller faire un tour en arrière pour aller voir. Mais oui, mais moi, je pense vraiment, historiquement, c'est génial ce qui s'est passé. Mais il y a bien longtemps maintenant que je parle que c'est génial ce qui s'est passé avec le mouvement ouvrier, hein, comment il s'est pris en main, comment il s'est battu, comment des gens sont morts. Mais aujourd'hui, et depuis belle lurette, quand je regarde derrière, ça fait longtemps que pour moi, c'est devenu de la politique politicienne, quoi. Voilà, un truc, tu sais que ça ne veut plus rien dire. Et donc, j'avais envie de te dire à toi, je tutoie facilement, hein, Jean-François Talmini, après j'arrête avec ce Talmini là. C'est même pas comme ça. C'est Jean-François. Talmini, mais. Mais voilà. Donc je reprends. Oui, c'était ça la question. Comment ça se fait qu'il y ait une perte? Il y a une perte dans ce combat mené, en fait. Voilà, parce que du coup, il y a les gilets jaunes qui naissent, qui veulent. Je ne sais pas aussi comment la FGTB se positionne par rapport à ça. Pourquoi il n'y a pas eu, alors que voilà, ça a été une grande mobilisation, surtout en France, évidemment, on en a tellement entendu parler. Comment tu vois les choses, toi ? Mais, je te dis, moi, je viens de la. Je te tutoie aussi, hein, donc. Je viens des métallos. Et donc, j'ai suivi la sidérurgie et je connais bien la sidérurgie. Qu'est-ce qui a fait que les mouvements de masse qu'on menait dans les années 60, 70, hein, les fameuses grèves de 60 qui sont nos références, les années 70 qui ont permis aussi, avant le premier choc pétrolier, de mener et des conquêtes sociales très fortes, la sidérurgie en Belgique, c'était 300-350 000 travailleurs, directs et indirects. Quand on arrêtait le bassin de Charleroi, de Liège, de Gand, on arrêtait le pays. Il suffisait que les sidérurgistes et les dockers disent « maintenant on arrête », le pays était à l'arrêt. Aujourd'hui, la sidérurgie, c'est 15 000 travailleurs. On est passé de 300 à 350 000 à 15 000 travailleurs. On peut arrêter le bassin de Charleroi, de Liège, de ce qu'on veut. On n'arrête plus rien du tout. Et donc, il y a une sociologie comme ça qui a évolué. Les secteurs industriels qui étaient nos gros bastions, où on pouvait vraiment... Là, on pouvait décréter des grèves. C'est la base qui nous donnait le mandat. Mais on pouvait dire, taper sur la table en disant « maintenant, on arrête ». Encore aujourd'hui, une petite anecdote, j'ai pris le train là et je discutais vraiment avec une dame, comment expliquer, comment décrire, une dame, tu sais, une dame, on va l'appeler populaire, voilà, entre guillemets, hein, et elle m'expliquait que pour arrêter cette politique, parce qu'on discutait politique, hein, pour arrêter cette politique, même cette dame disait, il n'y a pas photo, il faut faire la grève, si tout le monde comprenait au même moment qu'il fallait s'arrêter, c'est ça la force. Mais il y a moyen aujourd'hui, il y a quand même un système de production, etc. aujourd'hui, non ? Mais effectivement, moi je reste persuadé que c'est la grève qui nous permet de créer ce rapport de force. Je t'explique simplement que la sociologie a évolué, que les grands secteurs industriels ne sont plus ceux qu'on a connus, qu'il y a des services qui ont pris de l'ampleur, et c'est beaucoup plus difficile de mobiliser, même si, moi, dans le commerce, dans plein de secteurs, les camarades ont un cœur gros comme ça, et ils vont, hein, mais avec des difficultés qui sont autres que celles qu'on avait avant. Et donc, l'arme de la grève, qui est notre arme ultime. Moi, je dis, j'essaye de négocier avant, mais quand on est face à un mur et quand ils ne veulent rien donner, je n'ai pas de 36 solutions. Je dois pouvoir créer un rapport de force et ça passe par la grève. On doit l'adapter. On doit continuer à défendre l'outil de la grève parce que c'est reconnu au niveau international. L'OIT reconnaît l'outil de la grève. L'OIT, où siègent aussi les patrons, hein, dit internationalement, la grève doit être défendue et ne peut pas être contrée. Mais on doit la faire évoluer. Et quand je dis ça, j'ai déjà plaidé pour ça il y a quelques années, et j'y reviens systématiquement jusqu'au moment où on arrivera à convaincre, on doit mieux cibler. Quand on fait grève, j'avais dénoncé le fait que, avec le gouvernement MRNV-AFEB, le gouvernement Michel de Wever, qui écrivait les lois, c'était les patrons. J'avais des éléments concrets qui montraient que l'AFEB envoyait les projets de textes de loi, les rédiger eux-mêmes et les envoyer au ministre de tutelle. Et donc, quand je disais que les patrons écrivaient les lois dans ce pays, c'était des éléments qu'on m'avait transmis. Des camarades qui travaillaient dans certaines administrations que je ne pouvais pas carboniser, hein, évidemment, hein, mais qui me disaient, écoute, voilà, l'AFEB ne retire même plus le logo sur ces documents. Ils envoient ça directement au ministre de tutelle et ils disent, voilà, transposer en régime de loi. Donc, quand je dis qu'il faut mieux cibler, ça veut dire quoi ? L'AFEB, Fédération des entreprises de Belgique, avec leur grand chef, Timmermans, qui vient à nouveau d'être anobli par le roi hier, hein, c'est le baron Timmermans. Hein. Ce n'est pas les travailleurs hein, que le roi reconnaît, c'est les grands patrons ici qui font la loi dans ce pays. Eh bien, le conseil d'administration de l'AFEB, parce qu'ils ont un conseil d'administration, c'est une trentaine d'entreprises qui pèsent lourdement dans ce pays, qui sont les moteurs économiques du pays. Si on veut être efficace, c'est plus les grands bassins comme on le faisait dans les années 60-70. C'est ces 30 entreprises sur lesquelles il faut mettre une pression. Quand j'ai dit ça, ce n'est pas facile, parce qu'il y a des travailleurs dans ces entreprises. Arrêter ces entreprises une semaine, deux semaines, trois semaines, c'est très lourd économiquement. Et donc, il faut s'organiser, organiser la solidarité pour défendre ça. Moi, à titre personnel, moi, j'ai un appareil, hein, donc je dois convaincre les structures. Je ne parle qu'à titre personnel. Je suis convaincu que cibler ces 30 entreprises qui font tourner le pays, c'est les travailleurs qui font tourner le pays. Oui, mais oui, oui. Tout c'est à important fait. Que tu le dises, ça, parce que sinon, on est encore parti. Non, c'est les travailleurs qui font tourner le pays. C'est les travailleurs travailleuses. Mais ça veut dire que si on arrive à convaincre ces travailleurs travailleuses de dire, dans ces 30 entreprises-là, vous ne travaillez plus, il n'y a plus rien qui tourne. Et donc, l'AFEB est sous pression maximale. Et je suis persuadé que c'est comme ça qu'on pourra obliger l'AFEB à aller voir ses relais. Parce qu'on fait souvent des procès à l'FGTB, FGTB, PS. Pour les autres, on est beaucoup plus conciliants. Et, bah, c'est-à-dire que d'autres syndicats, par exemple, hein, est-ce qu'il y a des liens avec des partis politiques? Oui, il y en a, mais on est moins, on regarde moins. Peut-être qu'ils sont plus discrets hein, que certains qui font des erreurs, ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, la FEB, et moi, c'est parce que moi, je suis pour le Front commun. Je suis vraiment pour le Front commun. Je suis convaincu que c'est en ayant un Front commun, et même élargi, Gilets jaunes et d'autres, Jeunes pour le climat et compagnie, qu'on va réussir ce combat-là. Mais mon ennemi, notre ennemi commun, c'est, il faut parler d'ennemis, c'est comme ça, c'est un certain patronat, les grandes entreprises, pas les petits indépendants, hein, hein, mais les grandes entreprises. Eh bien, pour leur mettre la pression, eux ont des relais politiques. Eux vont voir des partis politiques et imposent à la NVA, au VLD, au MR. C'est la FEB hein, qui dicte la loi à ces partis-là. Et donc, pour faire modifier les positions du MR, de la NVA, du VLD et de ces partis de droite ou d'extrême droite, c'est en allant taper à la porte du patronat via ces 30 grandes entreprises qu'on pourrait les faire changer. Et ça, c'est la ligne que je défends, effectivement. Il paraît que sous le gouvernement derrière nous, là, qui vient juste de finir, il n'y avait plus de concertation, en fait. C'était du chiquet, c'était du semblant. Comment on en arrive là? Ça, c'est un basculement, effectivement. La concertation, moi, je ne parle jamais de partenaires sociaux. Moi, je parle d'interlocuteurs sociaux. Moi, la FEB, ce n'est pas mes partenaires. Ce sont des gens qui ont des intérêts à défendre. Nous avons d'autres intérêts à défendre. On se met autour d'une table, on discute. Mais tu ne trouves pas que s'il n'y a plus de concertation, clairement, enfin, on est ici. Ouais, j'imagine. On va dans la rue, quoi. C'est tout. Enfin, t'as déjà vu le pays comme il va mal. Comment les gens, là, j'ai fait une émission de radio sur la santé. C'est terrible ce qui se passe. Enfin, qu'est-ce qu'on... Voilà. Alors, c'est pas si facile. Hein. Je crois pas que t'as le pouvoir quand même de claquer des doigts et que tout le monde est dans la rue. Hein. Ce serait trop facile. Mais je parle de ces négociations comme ça. Ça, c'est une... Il n'y a plus de concertation. Je répète ce qu'un de nos anciens présidents disait. Négocier quand c'est possible, se battre quand il le faut. C'est la ligne qu'on doit suivre et qu'on a peut-être abandonnée. C'est-à-dire qu'on croit que la concertation, c'est le nec plus ultra. Sauf que c'est un semblant de concertation. On nous convoque, on nous amène à des réunions, et puis il n'y a pas de concertation. On nous écoute, je ne suis pas certain encore, hein, qui nous écoutent vraiment, mais ils disent, ben voilà, on vous a convoqué, vous êtes venus, et maintenant on fait ce qu'on avait décidé avant. Donc moi, j'étais fort confronté à Backlund pour les pensions, c'était systématiquement ça. Il faisait une annonce dans la presse en disant, rachat des années d'études, système à points et compagnie, puis il venait dans l'organe de concertation en disant, ben voilà, je vous consulte sur ce thème, pour lequel il avait déjà donné la ligne, on donnait nos éléments. Parfois, on arrivait même à avoir des avis unanimes avec le patronat, en disant ah « non, ça c'est n'importe quoi ». Le patronat avait ses raisons de dire que c'était n'importe quoi, nous avions nos raisons, mais malgré un avis unanime, Backlund continuait sur sa ligne, en disant « c'est le gouvernement qui décide. Vous, les interlocuteurs sociaux, ok, vous êtes là, vous existez ». On n'a pas besoin de vous, quoi, on s'en fout. Mais comment on en arrive à ça, quoi, avec l'histoire, justement, de ces luttes, comment on en arrive à ça? Et j'avais aussi une question que je me pose depuis longtemps, et je crois que peut-être tu vas pouvoir me répondre, peut-être pas. C'est comment ça se fait, je simplifie la pensée pour que tu comprennes, Pourquoi le mouvement ouvrier donc se prend en charge, se bat hein, pour se dire qu'on ferait bien un système de solidarité, qu'on créerait bien ça? C'est leur caisse à eux, tu vois? Comment ça se fait qu'aujourd'hui on est obligé de devoir combiner avec le patronat, le gouvernement, alors qu'à la base c'était leur idée, leur caisse, on va dire? Comment ça se fait que c'est passé de l'un à l'autre? Est-ce que tu comprends ma question? Non, dans l'histoire des syndicats, au départ, c'était des syndicats très corporatistes. Hein, on avait des corporations qui étaient bien centrées sur leur secteur, sur leur métier, et il n'y avait pas vraiment de solidarité entre eux. Ensuite, il y a eu une organisation qui a permis de créer la solidarité. Mais dans l'histoire moderne, et là on est à la Seconde Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale, il y a le fameux pacte social, dont on va parler beaucoup ici, puisqu'on est aux 75 ans de la Sécurité sociale. Cette année-ci, en décembre, ce sera les 75 ans de la Sécu. Pacte social qui n'est pas signé par la HDB, en fait, parce qu'on estime que c'est trop réformiste, que effectivement ça appartient aux travailleurs. Ce sont les travailleurs et travailleuses qui construisent le pays, qui produisent des richesses, et donc pourquoi partager avec un patronat? On ne signe pas le pacte social. Mais c'est quand même le pacte social qui conditionne la création de la Sécu, qui est le véritable instrument de solidarité entre les différentes catégories, entre les différents secteurs. Et progressivement, on s'inscrit dans cette logique-là qui est de la gestion de la sécurité sociale. Et le pacte social, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ben, les patrons, sous pression des communistes à l'époque, les communistes pesaient lourdement. Et le rapport de force faisait que les patrons avaient peur, avaient une certaine peur de partis qui, véritablement, se faisaient entendre. Voilà. N'ayons pas peur de le dire. Ils se faisaient entendre, et pas que le dos de la cuillère, je répète. Mais à ce moment-là, comme il y a le rapport de force, les patrons disent, bah, écoutez, effectivement, il faut reconstruire le pays, on a besoin de main d'œuvre. Eux, c'est comme ça qu'ils voient les choses. Les travailleurs et les travailleuses ont besoin aussi de retrouver une certaine sécurité, parce que ce qu'on a dit à l'époque, les corps s'étaient recroquevillés sur eux-mêmes, on sortait de la Seconde Guerre mondiale. Une fois qu'on a mis la sécurité en place, on a vu les corps se redresser, mais physiquement. La peur de tomber malade, d'avoir un accident, de ne pas avoir de retraite, c'est que ça qu'on a essayé de construire ensemble. Et donc, une bonne santé aussi. Une bonne santé, vous avez fait un reportage là-dessus, une bonne santé. Et malheureusement, on voit qu'on est en train de rebasculer. Mm-hmm. Les corps sont en train de se recroqueviller à nouveau. Et donc, ce pacte social a été complètement carbonisé. Or, le pacte social disait... L'idée, c'était qu'on partage les gains de productivité entre le capital et les travailleurs. Il fallait que chacun retrouve une partie. Je répète, la HDB n'était pas signataire, parce qu'on disait que le capital recevait trop par rapport à ce qui pesait. Le pacte social a quand même fonctionné, a mis en place la Sécu. Ça a marché jusque fin des années 60, début des années 70, avant le premier choc pétrolier. Il y a eu une répartition plus ou moins équitable qui a permis de développer nos fameuses conquêtes sociales. On a réussi à mener des luttes importantes. Et Reagan, Thatcher, fin des années 70, ici en Belgique, voilà, on est début des années 80 avec des gouvernements Martens, Gaulle et compagnie, font que hop là, la courbe redevient néfaste pour les travailleurs et travailleuses. Le partage des gains de productivité, alors que la Belgique, dernier rapport de l'OCDE, c'est sorti il y a quelques mois, la Belgique reste au top en termes de productivité, c'est-à-dire de façon dont on presse les travailleurs pour amener des richesses. Ce qui diminue, c'est la croissance de la productivité. Parce que comme je l'ai dit, les secteurs industriels sont en train de baisser. Mais la productivité, on reste au top. Mais ce partage des gains de productivité... Depuis le début des années 80, il a rebasculé vers le capital et non pas vers les travailleurs et travailleuses, ni en termes de salaire, ni en termes de sécu, ni en termes de services publics. Et c'est là que le bât blesse, c'est là qu'on a perdu la bataille. Une bataille, pas la guerre. Hein. Parce qu'on a accepté effectivement de négocier pour négocier, de se dire on se met autour d'une table et on croit que c'est ça qui va solutionner. Négocier son rapport de force, ça amène à quoi? Ça amène plus à de la concertation, ça amène à de la concession. Moi, si négocier, ça rime avec... concession, là on a un grave problème. On doit recréer ce rapport de force, et c'est ça l'enjeu. Les syndicats doivent se réinventer, on parlait de l'arme de la grève, il faut la réinventer, la conforter, la consolider, mais mieux cibler, et on doit élargir avec les gilets jaunes, avec les gilets verts pour le climat, parce que c'est un élément que les syndicats ont trop longtemps mis de côté, le climat. Hein. Or c'est un combat, c'est le combat d'aujourd'hui, le combat de demain pour nos enfants, pour nous-mêmes, et donc on doit pouvoir trouver les convergences en se rendant bien compte que l'ennemi qu'on a face à nous, quand on regarde, on a tous nos identités. Hein. Les gilets jaunes ont leur identité, les syndicats ont leur identité, et il y a même des entités différentes entre syndicats. Les gilets verts ont leur identité. Mais l'ennemi commun, c'est un système qui est en train de tout casser. Et c'est ça qu'on doit changer. Mais c'est difficile de faire bouger les lignes. Moi, quand je pense à grève, je pense à prise d'otage. Tu vois, tant que ce sera médiatisé, ça. Parce qu'il y a aussi cette idée, je veux dire, quand t'es politisé, pas au sens des partis, hein, des couleurs et tout ça, on s'en fout, mais quand t'es politisé, à savoir ton histoire, tu vois, ton histoire, le mouvement ouvrier, la sécurité sociale, enfin, tous ces combats menés, hein, tu vois, c'est vraiment des combats, on oublie, hein, évidemment, aujourd'hui, dans notre société un peu aseptisée. Oui, c'est vraiment un problème, hein, d'idéologiser ça en disant la grève, c'est une prise d'otage, tu vois. Et aussi, j'ai envie de dire, ben tiens, depuis que la FGTB est née, là, depuis qu'elle est en cours, là, de 75 ans, tu dis ? Non, ça, c'est le pacte social. Y a aussi une perte de mémoire de toute cette histoire aussi, qui fait que quand tu discutes avec les gens, ben, les gens, je caricature fort, hein, pour qu'on comprenne, c'est la consommation qui compte aujourd'hui. Tu vois, y a aussi une perte dans l'outil. Hein, parce que je disais au début de cette émission qu'il y a une pierre avec des choses écrites dessus à l'entrée ici de la FGTB, hein, qui pour leurs efforts tenaces ont tracé la voie de l'émancipation. Je pense que si ça aurait dû faire partie aussi des missions de la FGTB, de transmettre ça aux jeunes générations. Tu ne crois pas qu'il y a aussi un peu cet aspect-là qui manque dans toute cette histoire, qui fait que si les gens comprennent dans quel jeu ils jouent, bah du coup ils sont armés et du coup on les aura pas, quoi. Il y a aussi ça, non ? Exactement, exactement. Et ça, dans l'autre camp, ils l'ont bien compris, parce que les mesures qu'ils ont. Tu peux nommer le camp comme ça Comment tu le nommes, toi, ce camp ? T'as dit capitaliste. Ouais, ce sont les capitalistes. Donc c'est pour ça qu'on est véritablement anticapitaliste et on doit répéter, réexpliquer, comme tu le dis, ce que c'est que l'anticapitalisme. On n'est pas anti pour être anti. On est anti un système qui nuit aux intérêts des travailleurs et travailleuses, mais qui nuit à l'environnement, qui nuit à la terre en tant que telle. Et donc, c'est pour ça qu'on se positionne. Mais l'autre camp, pour moi, c'est la droite, la droite ultralibérale, qui privilégie l'individualisme sur la solidarité et qui veut casser nos mécanismes de solidarité pour défendre des intérêts particuliers. C'est ça le camp qui est en face. Mais il a très bien compris ce camp-là. Et donc, là-dedans, c'est-à-dire les grands patrons, je fais une différence entre les petits indépendants et les grandes multinationales. Et c'est là-dessus qu'on doit attaquer. Hier, j'étais à un débat sur BX1, où j'avais en face de moi le représentant des classes moyennes, qui, quasiment en bout d'interview, après 25 minutes, en bout de débat, était quasiment d'accord avec moi pour dire, effectivement, il y a un problème sur les multinationales. Et c'est là-dessus qu'on doit attaquer. Le représentant de l'UCM. Oui, d'accord, j'entends bien, mais peut-être ce qu'il produit, c'est de la merde. Ça, c'est encore une autre question. Tu vas me dire, oui, mais bon, parce qu'on en est là aujourd'hui. Il y a une espèce de, évidemment, pas dans la majorité de la population, hein, mais il y a une conscience comme ça qui s'éveille, alors qui est récupérée par l'idéologie, les médias, parce que ça ferait un nouveau business vert. Enfin, tu vois, c'est il faut faire gaffe, quoi. Mais j'imagine que le président de l'UCM, c'est ça ? Ben oui, vous êtes mis d'accord parce que, tout compte fait, c'est intéressant quand même de faire du business, mais ça dépend lequel aussi. Alors, bon, sa vision des choses, effectivement, c'est probablement de produire et de favoriser une consommation, quelle qu'elle soit. Je ne sais pas si le type a des valeurs écologiques, j'en sais rien. C'est pas mon copain, ce ne sera jamais mon copain. Et je n'ai pas discuté de ça avec lui. Notre vision à nous, en tant que syndicat, c'est effectivement qu'on défend les travailleurs travailleuses et on est conscient que sur le type de croissance qu'on doit avoir, est-ce qu'il y a un débat ? Est-ce qu'il faut défendre la croissance, la décroissance ? C'est des débats d'économistes. J'ai dit que j'étais économiste, mais ici, je parle en tant que syndicaliste. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir effectivement comment on défend les conditions de travail. Mais je ne peux pas faire abstraction du fait que si on continue à aller dans cette voie de la consommation à tout prix, produire n'importe quoi, ne pas tenir compte de matières premières qui sont en train de s'épuiser, ne pas tenir compte de l'impact sur l'environnement, on va droit dans le mur. Moi, l'image qu'on utilise au niveau international lorsqu'on participe à des conférences sur le climat, on participe aux COP et compagnie en tant que syndicat, c'est de dire qu'il n'y aura aucun emploi sur une terre morte. Et donc, la question de la consommation est importante. Mais je reviens à ta question qui était de dire, et c'est pour ça que je disais que le camp d'en face avait bien compris, est-ce que l'émancipation, est-ce que le fait d'expliquer les choses n'est pas la clé de la solution ? Oui, évidemment que c'est ça. Quand je dis que le camp d'en face l'a compris, qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a supprimé comme mesure ? Dans les premières mesures qu'il a supprimées, c'était le congé éducation payée, qui est cette mesure qui nous permet de couvrir la perte de salaire des travailleurs travailleuses pour qu'ils viennent se former chez nous. Pas faire du bourrage de crâne, simplement leur transmettre un sens critique des choses. Sens critique, ça veut dire pouvoir aborder les choses, pas de manière uniquement négative, mais essayer de comprendre les mécanismes. Je disais tout à l'heure, pour comprendre les choses, il faut d'abord les comprendre. Et donc, quand ils coupent le congé éducation payé, ils se disent, on va leur empêcher de pouvoir bien expliquer les mécanismes qui se passent entre eux. Parce que c'est tellement compliqué. Quand on parle des pensions, quand on parle de la sécu, c'est tellement compliqué. Tu as parlé quoi là, de congé, comment t'as dit ? Le congé éducation payé, c'est une mesure qui, auparavant, encore maintenant, mais de manière beaucoup plus limitée, était prise en charge par le gouvernement, qui permettait de couvrir les pertes de salaire des travailleurs travailleuses pour qu'ils viennent se former, qu'on leur explique les mécanismes de l'économie, qu'on leur explique l'index, qu'on leur explique les mécanismes essentiels dont ils bénéficient, la sécu. Le gouvernement précédent et d'autres, sur demande du patronat, ont cassé cette mesure-là. Ça, Jean-François, je ne comprends pas comment ça se fait que ce pouvoir, c'est le pouvoir du gouvernement et évidemment du patronat qui décide que oui ou non, c'est possible ou pas. Je ne comprends pas comment il y a une perte. Déjà là, il y a combat à mener, quoi. Enfin, je veux dire, je ne comprends pas comment on a perdu la main. Alors, pour mener un combat, il faut mobiliser. Si... je fais un tract, j'écris sur mon tract, et qu'on fait des assemblées partout dans l'entreprise. Mais que sur le sujet du tract, c'est de dire, vous savez quoi, le gouvernement a supprimé le congé éducation payé. Et donc il faut faire grève. Est-ce que tu penses que les gens vont sortir, monter aux barricades ? Évidemment qu'on doit expliquer ce qu'il y a derrière. Mais c'est très compliqué de mobiliser. Si on dit, le gouvernement veut faire sauter l'index, c'est là-dessus qu'on a mobilisé la dernière fois. Le gouvernement monte l'âge à 67 ans, l'âge de la pension. Là, c'est des éléments qui touchent directement. Et là, tu peux mobiliser plus facilement. Si on te dit, le gouvernement va toucher la culture, ce que le gouvernement flamand est en train de faire ici, le gouvernement veut toucher à la formation, pour mobiliser, tu rames, hein. C'est sûr que tu rames. Or, comme tu le dis, c'est l'essence même, la culture, la formation. Expliquer qu'on ne doit pas parler de charges sociales, mais de cotisations sociales. Parce que derrière les cotisations sociales, il y a la sécu, il y a ce salaire différé. C'est difficile d'expliquer ça, hein, plutôt que de dire c'est une charge sociale. Et donc, si on supprime les charges sociales, vous aurez plus de net dans votre poche. Ça parle aux gens. Mais c'est de la démagogie. Donc, on doit décortiquer. Mais c'est très difficile, c'est très compliqué. Et donc, on doit utiliser tous nos moyens, les réseaux sociaux, les nouveaux moyens de communication. Mais le travail est dur. C'est parce qu'il y a oubli, quoi. Par exemple, donc je reprends cette dame dans le train. Elle m'expliquait pour commencer la conversation, oui, mais il y en a qui profitent hein, du CPAS. Hein. Et alors, moi, en discutant avec elle, je lui faisais comprendre que mais c'est quoi profiter du CPAS quoi. C'est 800 euros. C'est, voilà. Et à force de discuter, ben, c'était chouette parce qu'on a regardé plutôt le point de vue global de la situation. Qui profite vraiment, en fait, tu vois. Et voilà, et c'est tout ça pour dire que moi, je pense qu'on peut mobiliser les gens, seulement. Il y a eu un travail voilà, ça, c'est moi qui pense à la FGTB ou en tout cas les syndicats qui sont en perte de vitesse, qui veulent plus, par exemple les gilets jaunes là, qui sont allés dans la rue, qui en avaient marre. Il n'y a même pas eu. Tiens, en Belgique, est-ce qu'il y a eu du lien ? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont passées ? Est-ce qu'il y a eu des mobilisations ? Est-ce qu'il y a eu des discussions pour se dire, bah, tiens, on est peut-être plus forts tous ensemble ? Et puis en plus, eux, ils bougent, ils sont actifs. Ben, je vais te donner une petite anecdote hein, pour t'expliquer la difficulté. C'est que les gilets jaunes sont passés à Mons. Moi, j'habite Mons. Hein. Et donc, quand ils sont venus à Mons, il y avait des gilets jaunes de tous les coins, hein, de Verviers, de Tournai, de Moucron, de Charleroi. J'arrive, j'avais pas de gilets jaunes, moi. J'étais là, habillé en civil. Mais je voulais me mêler à eux pour aller, parce que vraiment, j'avais eu des discussions intéressantes avec des gilets jaunes de Charleroi. Je dis, bon voilà, moi ça m'intéresse vraiment pas pour faire de la récup. Je venais avec un bonnet, personne ne me reconnaissait. Mais il y a quand même deux gilets jaunes qui m'ont reconnu et qui sont venus vers moi et qui ont commencé à me bousculer et à me dire, toi dégage, toi, t'es le syndicat, tu dégages d'ici. Et donc, On a failli en venir aux mains. Entre gens qui partagent les mêmes valeurs, j'en suis convaincu. Parce que certains ont cette mauvaise image du syndicat en disant « Vous êtes des, vous nous avez abandonnés. » Mais c'est vrai, Jean-François, c'est vrai, quoi, allez. Je ne peux pas laisser dire ça. On ne se rend pas compte de ce que les syndicats font au jour le jour. Quand on négocie la liaison bien-être, quand on négocie toute une série d'éléments, ce n'est pas visible comme ça. Sans syndicat, on revient au Moyen-Âge tout de suite. Et ça, certains l'ont compris, y compris chez les Gilets jaunes. Mais on doit casser cette image. On doit pouvoir trouver les points de convergence. Je répète, chacun en ayant son identité. Moi, je ne veux pas me substituer ni récupérer les Gilets jaunes. On avait eu des rencontres. Moi, j'ai eu des rencontres avec les Gilets jaunes où on discutait de convergence en se disant chacun doit respecter l'identité des autres. Et donc, moi, tout ce que je demande, c'est que les Gilets jaunes portent le triangle rouge. Triangle rouge que je porte toujours sur ma veste, moi. C'est un symbole de résistance antifasciste. Seconde guerre mondiale, on en est toujours là, mais plus que jamais, c'est valable, parce que ce qui se passe ici, ce qui se passe dans les pays aux alentours, c'est la montée du fascisme. Et donc, pour permettre aux Gilets jaunes que certains ne récupèrent pas le mouvement, parce qu'il y a eu des fascistes qui ont essayé de récupérer le mouvement de Gilets jaunes, on s'était mis d'accord pour dire « porter un triangle rouge ». D'ailleurs, il y a un Gilet jaune qui était en interview, un Gilet jaune de Charleroi, qui a dessiné un grand triangle rouge sur le truc, et je salue, moi, le geste. Et il nous avait dit « vous, les syndicats, vous d'autres, portez un petit brassard jaune ». N'ayez pas le Gilet jaune, hein, parce que pas de problème, mais un petit brassard jaune. Et donc, on commence à discuter de convergence, mais surtout dans les convergences, au-delà des signes distinctifs et des signes qui nous permettent de nous reconnaître, c'est de dire quelles sont les cibles communes. Est-ce qu'on peut discuter de cibles communes? Et là, c'est difficile. Mais c'est difficile, effectivement, parce que les méthodes, les techniques pour pouvoir faire pression ne sont pas partagées par les uns par les autres. Est-ce qu'il faut bloquer des ronds-points? Oui, mais la cible commune, elle est commune. Ah, la cible, elle est commune. Moi, j'ai donné mon point de vue, hein, mais je n'ai même pas encore réussi à convaincre dans mon organisation. C'est-à-dire que les 30 entreprises qui sont l'Assemblée générale de la FEB... Ça fait partie de ton conseil d'administration, c'est ça que tu viens de dire? Les 30 entreprises, De la FEB. Les 30 entreprises qui composent le conseil d'administration de la FEB... Moi, j'estime que c'est la cible, mais je n'ai pas encore réussi à convaincre mon organisation. Donc, je dois quand même d'abord commencer à convaincre mon organisation pour pouvoir proposer ça comme cible. Mais moi, je suis convaincu que c'est ça la cible. Pour les Gilets jaunes, ça reste des ronds-points, ça reste d'autres éléments, Total, et ça, ils ont raison. Total est une des entreprises qui pèse dans le pays. Hein. Donc, je pense qu'il y a vraiment un dialogue qui est possible. On doit passer au-delà d'a priori, de préjugés, de jugements de valeur comme ça. Il faut mettre de côté ces éléments-là et faire converger ça. Je pense que c'est possible. Sans trahir de secret, il y a d'autres réunions qui sont prévues ces prochaines semaines pour voir comment on peut essayer d'avancer ensemble. Ben, on arrive à la fin, mais j'avais envie de te dire, tiens, qu'est-ce que tu penses, toi, de ce qui se passe en France, hein, la France, la Belgique, c'est à côté, ok, c'est pas toujours le même... contexte, mais en gros, on parle la même langue et c'est à côté, quoi. Tu sais, sur ces gilets jaunes qui ont manifesté, et j'ai suivi de près le truc, c'est-à-dire que j'ai pas simplement... Donc j'ai bouquiné, j'ai lu, j'ai regardé des interviews de gens qui ont l'œil pété parce qu'ils sont allés manifester, et ils sont simplement allés manifester. Tu vois, il n'y a pas eu... Il y a des gens qui n'iront plus jamais. C'était la première fois qu'ils allaient. On les a tellement fait peur qu'ils n'iront plus jamais. Et il y a aussi, tu sais, toute une loi comme ça qui met en place pratiquement le droit de manifester. Enfin, c'est quand même énorme. Tu vois ça comment, ici, en Belgique? Et est-ce qu'on n'en arriverait pas aussi, tu sais, à mettre ça en place, pour finir, interdit de grève, interdit de manifestation, ça en est où par rapport à tout ça? Ouais, y a une volonté ici en Belgique aussi d'y arriver. Par exemple, dans le port d'Anvers, il y a des mesures qui ont été prises, soi-disant des mesures antiterroristes, mais qui sont des mesures clairement pour empêcher les syndicats de s'organiser, parce qu'ils savent que le port d'Anvers est un élément stratégique de blocage. Donc ils s'organisent. Moi, ce que ça m'inspire, c'est que, notamment du côté de la France, c'est on reproche aux Gilets jaunes une forme de violence. Donc j'écoute Macron et compagnie. La première violence, elle est patronale et libérale. Ça, c'est la première violence. Les Gilets jaunes sont en réaction par rapport au fait de ne pas pouvoir finir leur mois. Le 10 du mois, c'est fini. Il n'y a plus rien sur le compte. Et encore, il ne faut pas devoir se soigner, avoir des dépenses exceptionnelles. Souvent, c'est bien pire que le 10 du mois. Et donc, face à cette violence patronale, des grands patrons, je répète, de cette classe libérale, il y a des réactions qui s'organisent. Pourquoi en France, c'est aussi développé? Pourquoi ça dure depuis aussi longtemps? Et pourquoi c'est aussi massif? parce que les syndicats ne représentent pas autant de personnes qu'ici. Alors quand je dis ça, est-ce que ça veut dire qu'il faudrait que les syndicats s'écroulent ici que pour que le mouvement des Gilets jaunes s'amplifie? C'est pas la solution. Je répète, c'est pas la solution. Il faut au contraire que les syndicats tiennent compte de ce qui se passe en France, tiennent compte de ce qui se passe en Belgique, pour comprendre le fait que certaines personnes ne se retrouvent plus dans les structures syndicales, se sentent mis de côté, et que les syndicats réadaptent leurs moyens d'action à ce qui correspond vraiment aux demandes des gens, à savoir parler du quotidien, parler de la difficulté de la vie. Et je pense qu'ensemble, en discutant ensemble, on peut faire évoluer d'un côté comme de l'autre, syndicalement, comme dans ce qu'on appelle la société civile, hein, pour moi c'est un gros mot ça, hein, mais dans ces mouvements qui s'organisent, qu'on s'observe, qu'on s'écoute, qu'on se mette d'accord sur des cibles communes et qu'on avance ensemble. Moi, c'est ça que ça m'inspire, ce mouvement français, ce qui se passe ici en Belgique. Encore un petit peu de temps. Il n'y a pas une idée comme ça d'inviter les... Il paraît qu'il y a 23 personnes qui se sont fait péter l'œil. Pourquoi vous n'invitez pas ces gens qui leur vie a fondamentalement changé, hein. J'imagine que tu perds un œil, toi ou moi, demain, ma vie est en plus pas perdue parce que tu t'es cassé la gueule dans un escalier. Hein. Ce ne serait pas intéressant de faire des échanges comme ça entre la France, la Belgique, pays juste à côté? Vous n'auriez pas envie d'entendre un peu ce qui se dit là-bas, et même pour mobiliser les gens ici? J'invente, hein, je dis n'importe quoi. Non, mais c'est effectivement, ça nous touche. Moi, je trouve que, encore une fois, en respectant les identités des uns des autres, si des Gilets jaunes belges qui sont présents, hein, encore une fois, ils sont à Charleroi, ils sont à Tournai, ils sont à Verviers, ils sont un peu à Liège, ils sont un peu partout, surtout dans le sud du pays, mais je sais que c'est pas un mouvement uniquement francophone, contre néerlandophone, c'est pas ça. Il y a vraiment les mêmes réalités qui sont vécues dans la chair des gens. Si nos Gilets jaunes belges prenaient l'initiative d'inviter les camarades français qui ont perdu un œil, qui ont été comme ça, qui ont victimes de violences de système, et nous inviter nous-mêmes à ce qu'on ait ce dialogue, moi j'y réponds favorablement. Je pense du tac au tac, hein. Je pensais pas du tout dire ça, mais il y a moins de moyens avec les Gilets jaunes, tu vois, vous êtes une grosse structure, vous pouvez aider à faire venir les gens, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a ça aussi à prendre en considération, la FGTB, t'as l'impression que c'est un gros bazar ici, j'arrive, c'est quand même un super grand bâtiment, super, tu vois, c'est pas le petit bazar, il y a 100 personnes qui travaillent ici. Non, il n'y a pas 100 personnes qui travaillent ici. Ici, c'est la FGTB, c'est toutes nos antennes régionales qui sont... nous, notre véritable travail, c'est sur le terrain qu'on le fait. Ici, on a le bâtiment, et on est en radio, mais tu peux décrire mon bureau. OK, c'est un bureau, il y a de la place, parce que je fais mes réunions ici, mais ce n'est pas qu'il y a des éléments de luxe ici. Non, mais quand on est dehors de la maison, ici, quand on regarde dans la rue, rue haute, vous êtes... Enfin, c'est un super... bâtiment, c'est pas du maison Thomas et Piron, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est à mon avis classé, ce bâtiment-ci. J'en sais rien. C'est une bonne question, mais j'en sais rien du tout. Non, c'est ça que je veux dire. Voilà, il y a des moyens, quoi. Je veux dire, les gilets jaunes, quoi. C'est un mouvement qui est né l'année dernière. C'est tous des pauvres gens qui n'ont pas grand-chose pour vivre. Vous êtes fort. Il y a ça aussi en prendre en considération dans le fait de vouloir changer le monde, quoi, tu vois. Il y a des petits jaunes, là, qui sortent du nid, on va dire, et vous, qui êtes quand même une grosse machine de guerre, quoi. Oui, non, mais c'est clair qu'on est une organisation de masse, et donc c'est les cotisations de nos affiliés qui nous font vivre. Rappelez quand même qu'on ristourne la prime syndicale, hein, c'est-à-dire qu'on reçoit des cotisations, mais on rend une prime syndicale à chaque affilié. Tu me disais que tu n'étais pas affilié, c'est pas là-dessus qu'on vit, hein, mais il y a ce retour qui se fait, mais on doit financer nos services parce qu'on a des bureaux d'études, parce qu'on doit se préparer pour faire face au camp adverse. Donc, c'est pas qu'il y a des moyens démesurés, et contrairement au fond en disant les syndicats sont riches, placent leur argent à l'étranger, chaque euro qu'on reçoit est pour la partie chômage. Le gouvernement, c'est chaque euro qu'il y a dans la caisse de la FGTB, de la CSC, de la CGCLB. Nos cotisations et ce qui nous permet de tenir pour des grèves, heureusement qu'on ne doit pas... évidemment, il n'y a rien qui est passé à l'étranger. Rien qui est passé à l'étranger. Mais cet argent-là, c'est notre trésor de guerre pour mener des grèves. C'est là-dessus qu'il faut revenir. Si le gouvernement savait ce qu'il y avait, il saurait exactement combien de jours on peut tenir pour une grève. Et ça leur permettrait de dire, allez-y, mettez votre rapport de force en place, on sait que vous allez tenir X jours, et donc on va faire tenir le conflit, X jours plus 1, comme ça vous serez mis à sec, et nous on pourra continuer à mettre nos réformes en place. Ce que Thatcher a fait, nos camarades anglais, il y a une solidarité qui est organisée, parce que l'histoire c'est important, de la Belgique vers l'Angleterre, où on allait donner des moyens aux camarades anglais pour qu'ils puissent tenir la grève. Parce que Thatcher, elle, avait dit, je veux savoir ce qu'il y a dans les caisses de syndicats, comme ça je sais combien de jours vous tenez. Nous, on a encore cet élément-là, pour combien de temps encore, j'en sais rien. Mais croire qu'il y a des moyens comme ça qui débordent par la fenêtre, ça c'est un fantasme de je sais pas qui, mais ce n'est pas la réalité. Maintenant, trouver les moyens de solidarité et se dire qu'ensemble, si on est d'accord sur des cibles convergentes, eh bien, on met des moyens en commun, oui, évidemment qu'on doit en discuter, mais ne fantasmons pas sur le fait qu'on puisse se permettre comme ça de dépenser de l'argent qu'on n'a pas. L'argent sert à quelque chose, à faire fonctionner. Effectivement, il y a nos antennes régionales, il faut que nos affiliés puissent venir sur le terrain, se renseigner, avoir les services dont ils ont besoin et être défendus. Et pour le reste, c'est pouvoir financer des grèves quand on mène des grèves. Pour le reste, maintenant, c'est de plus en plus difficile de mener des campagnes. Il y a la campagne Art Bovenart, il y a la campagne, des campagnes qui ont été menées. Demandez-leur si c'est facile de pouvoir, combien ça coûte et si c'est facile de trouver des moyens pour mener ces campagnes-là. C'est de plus en plus difficile. Oui, mais je pense aussi à l'international. Il y a moyen de créer, tu vois, avec pays d'à côté. Enfin, tu vois, il y a moyen d'inventer des choses. Enfin, moi, je serais à la FGTB, j'inventerais des choses. On rigole, voilà, je taquine. Mais pour terminer, vite une dernière. Il y a Gino Russo, tu as vu, qui répondait par écrit dans un journal, je ne sais plus lequel, en parlant des syndicats, qui disait... je ne sais plus le redire exactement, mais les syndicats, c'est devenu la gauche bobo qui ne se soucie même plus de la base. Tu n'as pas lu ça Je trouve ça hyper touchant et ça m'a touché en plein cœur, on va dire, parce que je me dis, mais c'est tellement vrai. Tu vois qu'il y aurait comme les syndicats qui se sont embourgeoisés comme ça et qui sont déconnectés du coup de la vie difficile, de la vie, tu sais, de mener... bout à bout comme ça, des gens de la rue, et du coup, ben, il n'y a pas un front commun, parce qu'il y a ceux qui sont devenus embourgeoisés, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai beaucoup de respect pour Gino Russo. On s'est vu de temps en temps et on discute, et il a toujours eu cette vision critique des choses, que je partage, savoir que si certains sont déconnectés de la base, ils n'ont rien à faire là. Moi, je répète, la force de notre organisation, c'est que tous les 4 ans, on doit se faire réélire. Si ça ne correspond pas à ce que vit la base, si ça ne correspond pas aux valeurs qu'on veut défendre au sein de la FGTB, il faut s'organiser pour que dans les congrès, et les congrès c'est à tous les niveaux, hein, à Liège, à Charleroi, à Mons, dans le nord du pays, partout, à Bruxelles, que les affiliés qui ont la possibilité d'aller, de participer au congrès, puisque les congrès, il y a des congressistes qui sont désignés, mais sont des délégués d'entreprise, mais qu'ils aillent se faire entendre et qu'ils fassent refonctionner l'organisation, parce qu'il y a évidemment des choses qu'on doit refaire fonctionner en termes de démocratie pour que la FGTB, ça a toujours été notre force. Cette pyramide, c'est jamais la pointe de la pyramide qui doit décider, c'est la base de la pyramide. Si ça ne fonctionne pas, et ça ne fonctionne pas à certains endroits, j'en suis conscient, eh bien, dans les congrès qui sont organisés tous les 4 ans, il faut aller se faire entendre en disant ça ne va pas, et la raison pour laquelle je t'élis ou je ne t'élis plus, c'est celle-ci et celle-là. Et donc, je pense que Gino exprime quelque chose qui est vrai. Il a ce sentiment-là, parce qu'il l'a ressenti peut-être à certains endroits, mais il y a la possibilité, par la base, de changer les choses. Moi, je suis la preuve, je ne vais pas parler de moi, mais la preuve que un type qui a une ligne politique très à gauche, qui ne plaît pas à une certaine forme de social-démocratie, qui est plutôt dans le consensus mou, peut quand même se faire élire et essayer de faire changer les choses. Est-ce que j'ai changé quelque chose? Rien du tout pour l'instant. Mais j'aspire à ce que des hommes, des femmes qui sont convaincus, qui partagent les mêmes valeurs, c'est-à-dire de vraiment revenir à une ligne dure à gauche, puissent se faire élire, se fassent en repartant de la base et remontent progressivement pour qu'on puisse retrouver effectivement ce lien qui parfois est mis de côté. Mais je continuerai à défendre la FGTB parce que pour moi c'est le meilleur instrument qu'on doit faire refonctionner, mais le meilleur instrument pour contrer la droite. Qu'on doit refaire refonctionner, ça c'est franchement super. Une dernière, t'as tout dit? Est-ce que t'as quelque chose que tu voudrais dire, que voilà, t'en profites, que t'as pas dit, que je t'ai pas sollicité? Tu peux... Comme ça, je ne vois pas, parce qu'on a parlé beaucoup de choses et on est parti de tous horizons, et encore une fois, en toute franchise. Mais moi, vraiment, mon souhait pour les prochaines semaines, prochains mois, c'est qu'on puisse, au-delà des convergences sur les cibles à attaquer, qu'on puisse véritablement retrouver des convergences sur l'antifascisme, parce que ça m'inquiète vraiment. Et donc, quel que soit notre niveau, dans les écoles, dans les familles, dans les clubs qu'on fréquente, qu'on puisse aborder ces sujets et remettre cette question du fascisme et de la montée du fascisme au centre des discussions pour qu'on puisse vraiment retrouver ce cordon sanitaire, retrouver cette volonté d'empêcher comme ça cette nuisance de la société démocratique telle qu'on la souhaiterait. Donc ça, c'est vraiment, j'espère, l'axe qu'on pourra redévelopper ensemble, quelles que soient, encore une fois, je réinsiste, hein, nos identités, mais de se dire que ce thème-là, l'antifascisme, doit redevenir au centre de nos discussions et nous unir pour contrer cette menace terrible. Merci à toi, alors, Jean-François. T'as Mélanie. Avec plaisir.